إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous avons parlé dans les cours précédents de la prière qui est la provision la plus importante et la plus utile à l'adorateur, et ce après les deux attestations de foi. Et jusqu'à maintenant, nous avons parlé principalement des prières obligatoires, celles auxquelles il est obligatoire d'être assidu de manière permanente et de les accomplir en leur temps. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons parler, incha'Allah ta'ala, des prières appelées an-nawafil, c'est-à-dire les prières surérogatoires, celles qui sont accomplies en plus des prières obligatoires et qui te permettront, bi'idhnillahi ta'ala, d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc un mérite que l'adorateur ne doit pas négliger. On a vu hier le hadith al-Qudsi, rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, certes mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que je n'aime plus que ce que je lui ai prescrit. Et on a vu que cela signifie que les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les œuvres qui sont obligatoires. Et dans la suite du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire que les œuvres qui sont accomplies en plus des œuvres obligatoires, elles te permettent d'obtenir l'amour de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela les prières surérogatoires. Ceci est donc un de leurs plus grands mérites. Et il n'y a pas de doute que le fait d'être aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala, ceci est une chose recherchée et voulue par chacun d'entre nous. Et cet amour, tu peux l'obtenir, incha'Allah ta'ala, en multipliant les œuvres surérogatoires afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, bien sûr, après t'être acquitté de tes obligations. De plus, ces prières surérogatoires, elles te permettront de faire augmenter ta foi et également de combler les éventuels manquements que tu peux avoir dans tes prières obligatoires. En effet, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, la première chose sur laquelle le serviteur musulman sera jugé est la prière obligatoire. On regardera si elle est complète. Sinon, il sera dit: regardez s'il faisait des prières surérogatoires. S'il faisait des prières surérogatoires, alors sa prière obligatoire sera complétée par ses prières surérogatoires. Puis on fera de la même manière pour le reste des obligations. Et ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc ces deux hadiths, ils te suffisent pour comprendre que bien que ces prières dont on va parler, elles ne sont pas obligatoires, elles ne doivent pas pour autant être négligées. Mais elles font partie des provisions les plus utiles à l'adorateur, auxquelles il te convient de donner une grande importance. Et les prières surérogatoires, d'un point de vue général, elles se divisent en deux catégories. Et à partir de là, j'aimerais que chacun d'entre vous prenne une feuille et un stylo afin de bien noter tout ce qui va suivre, incha'Allah ta'ala. Et ce, afin de pouvoir le retenir au mieux et d'éviter par la suite les répétitions. Donc on a dit les prières surérogatoires, elles se divisent en deux catégories. Les nawafil al-mutlaqa et les nawafil al-muqayyada. Les nawafil al-mutlaqa, ce sont celles qui ne sont pas délimitées par un temps précis et n'ont pas de cause particulière. Tu peux donc les accomplir comme tu le désires, si tu as envie de prier deux unités, selon ta volonté. Toutefois, il est à souligner qu'il y a trois moments où ces prières-là ne sont pas permises. Le premier moment, c'est du lever de l'aube, l'heure du Fajr, jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil s'élève de la hauteur d'une lance, c'est-à-dire environ 15 minutes après l'heure du Shuruq. Donc une fois que le temps du Fajr est entré, les seules prières qui sont légiférées, c'est la prière recommandée avant la prière obligatoire, de deux unités, puis la prière obligatoire du Fajr. Après cela, il n'est pas légiféré de prier. Tu dois attendre le shorot. Vous avez vu l'heure du shorot qui est marquée sur les calendriers? Donc tu regardes l'heure du shorot et tu attends environ 15 minutes pour pouvoir reprier. Car ceci est le temps de l'interdiction. Le deuxième temps, c'est quand le soleil est au zénith. C'est-à-dire lorsqu'il atteint le point le plus haut, le point culminant. Et ce, jusqu'à son inclinaison. Car quand il commence à s'incliner, cela veut dire qu'est entré le temps de la prière du dhuhr. Donc ce temps, il correspond environ à 10 minutes avant l'heure du dhuhr. C'est-à-dire que 10 minutes avant l'heure de la prière du dhuhr, il n'est pas permis de faire des nawafil mutlaqa. Cela est un temps d'interdiction. Le troisième temps d'interdiction, c'est après la prière d'al-asr. Et ce, jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée du temps de la prière du maghrib. Ceci sont les trois temps durant lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier. Et ce qui est plus particulièrement visé par l'interdiction, ce sont les nawafil al-mutlaqa, les prières surérogatoires qui n'ont pas de cause particulière et qui n'ont pas de temps précis. Le deuxième type de prières surérogatoires, ce sont les nawafil al-muqayyada, celles qui sont déterminées par un temps précis ou qui sont liées à une cause. Certaines parmi elles sont liées aux prières obligatoires. Ce sont celles que l'on appelle les rawatib. Et d'autres sont indépendantes, comme la prière de la matinée, Salatul Duha, ou la prière du Witr. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, quelques détails concernant ces prières. Donc tout d'abord, la meilleure de ces prières surérogatoires, c'est la prière de nuit. Et ce, d'après le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah Ta'ala, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la meilleure des prières, après celle qui est obligatoire, est la prière de nuit. Et entre dans cela, la prière du witr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais, même lorsqu'il était en voyage. Il convient donc aux musulmans d'être assidus à la prière du witr, et ce tout au long de l'année, pas seulement durant le mois de Ramadan. Et la prière du witr, elle peut être accomplie en une unité de prière, en trois unités, ou plus, et ce jusqu'à 11 unités, car ceci est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, fut interrogée au sujet de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan. Elle répondit, il ne faisait pas plus de 11 unités durant Ramadan ou en dehors de celui-ci. Donc le witr, il est accompli de 1 à 11 unités. Et il peut être accompli de différentes manières, et nous avons déjà vu cela en détail dans un cours précédent, lors du séminaire sur les règles essentielles du Ramadan, lors du cinquième cours sur les règles de la prière de nuit. Donc pour ceux qui veulent plus de détails à ce sujet, concernant les différentes manières d'accomplir le witr, ils peuvent revenir à l'enregistrement qui est présent sur le site annasiha.com. Vous allez dans l'article séminaire, les règles essentielles du Ramadan. Et parmi les prières surérogatoires importantes et qui ont un mérite immense, il y a les prières appelées rawatib. Ce sont les prières surérogatoires accomplies en permanence avec les prières obligatoires. Celles-ci sont appelées rawatib, car elles sont permanentes, elles sont accomplies quotidiennement, et elles sont liées aux prières obligatoires. Et celles-ci sont au nombre de 12 unités. 2 avant le fajr, 4 avant la prière du dhuhr, et 2 après la prière du dhuhr, 2 après le maghrib, et 2 après l'isha. Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'il a dit, j'ai appris du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'accomplir 2 unités avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 après le maghrib, 2 après l'isha et 2 avant le fajr. Donc ceci nous fait un total de 10 unités. Et dans le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle a dit, il priait, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il priait dans ma maison 4 unités avant le dhuhr, 2 et 2, puis allait diriger la prière aux gens. Ensuite, il revenait et priait 2 unités dans ma maison. Donc ces 12 unités de prière, ce sont les prières appelées les rawatib. Et elles ont un mérite immense. En effet, l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte, d'après Habiba, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anha, qu'elle l'a entendu dire. Il n'y a pas un serviteur musulman qui prie chaque jour pour Allah. Il prie pour Allah, ne prie pas pour autre que cela, mais son intention est d'obtenir la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un serviteur musulman qui prie chaque jour pour Allah 12 unités de prière surérogatoires en dehors des obligatoires sans qu'Allah ne lui construise une maison au paradis. Voyez donc le mérite immense qu'il y a dans le fait d'accomplir ces 12 unités quotidiennement. Et le shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a été questionné au sujet de ses prières. Est-ce que celui qui les fait constamment, quotidiennement tout au long de sa vie, celui-là obtient une maison au paradis? Ou alors chaque jour qu'il prie, par exemple s'il prie 3 jours, ces 2 unités, il aura alors 3 maisons au paradis? Il répondit rahimahullah ta'ala, celui qui prie ces 12 unités, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison au paradis. Et s'il est assidu dans cela, il aura pour chaque jour une maison au paradis. Allahu Akbar. On voit donc le mérite immense qu'il y a dans le fait d'être assidu à ses prières. Regardez dans ce bas monde l'importance que les gens donnent au fait d'avoir une maison. Il y en a certains qui sacrifient leur temps et leur vie. Pourquoi? Pour pouvoir construire sa maison. Il va au travail du matin au soir, quotidiennement. Il prend très peu de vacances. Il fait beaucoup d'économies. Pourquoi? Afin de pouvoir construire sa maison. Il va faire beaucoup de sacrifices pour cela. Il se peut même qu'il tombe dans des interdits comme le riba, les crédits bancaires, avec usure et ainsi de suite. Pourquoi? Pour atteindre ce but qui est d'avoir une maison. Cette maison qui n'est qu'un bien éphémère de ce bas monde. Un tremblement de terre et sa maison est détruite. Et lorsqu'il meurt, il va l'abandonner cette maison. Il se peut que ses héritiers se querellent et se combattent les uns les autres pour le partage de cette maison. Mais dans l'au-delà, la maison qu'Allah subhanahu wa ta'ala te construit au paradis, c'est un bien éternel, un bien qui n'est pas éphémère. Celui qui entre au paradis, il vivra dans celui-ci éternellement. Et pour avoir ta maison au paradis, il te suffit d'accomplir ces 12 unités de prière quotidiennement. Et pour chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala te construit une maison au paradis. Tu vois donc que ceci est un mérite immense qu'il ne convient pas de négliger. Donc maintenant que tu as compris l'importance de ces 12 unités de prière, et que tu les distingues des autres prières qui peuvent être recommandées à d'autres moments de la journée, on va voir, inshallah ta'ala, les différentes prières recommandées pour l'adorateur tout au long de la journée, en commençant par la prière de l'Fajr jusqu'à la prière de l'Aïcha. Donc retenez bien ces 12 unités que l'on va répéter, que l'on va revoir, et on va y ajouter d'autres prières qui sont également recommandées. Donc une fois que l'heure du Fajr est entrée, il est recommandé pour toi, avant d'accomplir la prière obligatoire du Fajr, de faire 2 unités de prière surérogatoire. Et celle-ci est la ratiba du Fajr. Et c'est la prière surérogatoire à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus assidu avec le witr. Il ne la délaissait jamais, même lorsqu'il était en voyage. Contrairement aux autres rawatib, les 12 unités que l'on vient de voir, le musulman il ne les accomplit que lorsqu'il est résident. Mais lorsqu'il est en voyage, la sunna est de les délaisser comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de l'une d'entre elles qui est la ratiba du Fajr, les 2 unités surérogatoires qui précèdent la prière du Fajr. Et ces 2 unités, elles ont un mérite immense. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ces 2 unités de prière qu'elles sont meilleures que ce bas monde et ce qu'il contient. Et dans une autre version, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, elles sont pour moi plus aimées que tout ce bas monde. Ce bas monde, et ces biens éphémères pour lesquels les gens s'entretuent, pour lesquels les gens luttent, pour lesquels les gens font de grands efforts pour l'obtenir. Ces 2 unités de prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle te dit qu'elles sont meilleures que ce bas monde, tout ce bas monde, et l'ensemble de ce qu'il contient. 2 unités de prière, surérogatoires, qui sont un bien immense pour toi. Donc tu vois l'importance de ces 2 unités qui précèdent le Fajr. Et tu vois l'erreur de ceux qui se contentent de ne faire que la prière obligatoire du Fajr et qui négligent ces 2 unités qui sont meilleures que ce bas monde et ce qu'il contient. Et j'ajoute également un point important. Si tu l'as manqué, que tu es arrivé par exemple à la mosquée alors que l'imam était déjà en train de prier la prière obligatoire du Fajr, peux-tu rattraper les 2 unités surérogatoires qui la précèdent? La réponse est oui, tu peux les rattraper. Et tu les rattrapes à quel moment? Ou bien tu les rattrapes après la prière du Fajr, après la prière obligatoire, tu fais tes adhkar, puis tu la rattrapes. Ou alors, et cela est préférable, Tu la rattrapes après le shuruq, 15 minutes après le shuruq, c'est-à-dire durant la matinée. Et les deux manières sont légiférées. Et la sunna, pour ces deux unités de prière surérogatoire, c'est de les accomplir de manière brève, c'est-à-dire sans les allonger. Comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avant le fajr deux unités de manière brève. Et dans certaines versions, elle a dit, radiyallahu ta'ala anha, il les écourtait à tel point que je me demandais s'il y avait lu la Fatiha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier de longues prières. Mais celle-ci, il les écourtait. Et la sunna dans cette prière, c'est de réciter, après sourate al-Fatiha, dans la première unité, sourate al-Kafirun. Qul ya ayyuha al-Kafirun. Et dans la deuxième unité, après sourate al-Fatiha, sourate al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Comme cela est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait lors des deux unités surérogatoires du Fajr, ces deux sourates. Il est également rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il récitait dans cette prière, après sourate al-Fatiha toujours, dans la première unité, le verset 136 de sourate al-Baqarah. Et dans la deuxième unité, il récitait le verset 52 de Sourate Ali Imran, ou alors le verset 64, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Ceci fait donc également partie de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc ce qui est lié à la prière surérogatoire qui précède la prière du Fajr. Ensuite, tu vas faire la prière du Fajr, la prière obligatoire. Et après cela, il est interdit de prier, comme on a dit, jusqu'au lever complet du soleil, c'est-à-dire environ une quinzaine de minutes après ce que l'on appelle Ash-Shuruq. Une fois ce moment arrivé, il est légiféré d'accomplir une prière que l'on appelle la prière de la matinée, Salat Al-Duha. Et celle-ci est légiférée tout au long de la matinée, à partir du Shuruq, environ 15 minutes après le Shuruq, jusqu'à la prière du Dhuhr, comme on a dit environ 10 minutes avant la prière du Dhuhr, car les 10 dernières minutes avant la prière du Dhuhr font partie des moments durant lesquels il est interdit de prier. Et cette prière, Salat al-Duha, elle comporte également de nombreux mérites. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, ont rapporté d'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit, mon bien-aimé, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé de jeûner 3 jours par mois, de prier 2 unités dans la matinée et de faire le witr avant de me coucher. Donc on voit que parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Abu Huraira, il y a ces 2 unités de prière de Salat al-Duha, la prière de la matinée. Et l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque jour, nous sommes redevables d'une aumône pour chacune de nos articulations. Chacune de tes articulations, elles sont nombreuses. Tu es redevable d'une aumône quotidiennement. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un certain nombre d'œuvres qui font partie des aumônes, comme le fait de dire Subhanallah, le fait de dire Alhamdulillah, le fait de dire La ilaha illallah, le fait de dire Allahu Akbar. Tout cela constitue une aumône. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et il suffit à la place de tout cela de prier 2 unités de prière durant la matinée. Salat Al-Duha. Donc cette prière, ces 2 unités que tu accomplis dans la matinée, elles te permettent de t'acquitter de l'aumône de laquelle tu es redevable quotidiennement. Tu vois donc qu'il y a un mérite dans cette prière qui n'est pas à négliger. Et celle-ci, cette prière, elle peut être accomplie de 2 à 8 unités. C'est-à-dire qu'il t'est permis de faire 2 unités, ou alors de faire 2 et 2, 4 unités, ou alors de faire 6, ou alors de faire 8. Et ce, selon ta volonté. En effet, il est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait pour la prière d'Ad-Duha 4 unités. Puis elle dit, il en rajoutait ce qu'Allah voulait. Et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Hani, la fille de Abu Talib, que l'année de la conquête de la Mecque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli 8 unités de prière d'Ad-Duha. Ceci nous prouve donc qu'il est permis de la prier en 2 unités, en 4, en 6 ou en 8. Et durant ce moment, le moment de la prière d'Ad-Duha, il est légiféré pour toi si tu as manqué la prière du witr, de la rattraper à ce moment-là. Il se peut qu'une personne ait l'habitude de prier le witr dans le dernier tiers de la nuit, avant le fajr, et qu'un jour elle ne se lève pas, n'entend pas son réveil ou se lève en retard et ne se lève que pour la prière du fajr. À ce moment-là, que doit-elle faire? Elle accomplit sa prière du fajr, en la faisant précéder des 2 unités sur le rogatoire du fajr, puis après, dans la matinée, il lui est permis de rattraper le witr. Toutefois, elle le rattrapera en nombre pair d'unités de prière. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de faire 1 unité de prière, tu accompliras alors à ce moment-là 2 unités. Si tu as l'habitude de faire le witr en 3 unités, alors tu accompliras à ce moment-là 4 unités, 2 et 2, et ainsi de suite. Tu rajoutes 1 unité afin de prier en nombre pair. Donc ensuite, une fois que vient le temps de la prière du dhuhr, on a dit que pour la prière du dhuhr, il est légiféré de faire 4 unités avant et 2 unités après. Et ceux-ci sont les rawatib qui sont recommandés. Il est rapporté de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala, anha, qu'elle a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne manquait jamais de prier 4 unités avant la prière du dhuhr. C'est-à-dire qu'il était assidu à cette prière, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui est arrivé une fois de manquer cette prière, c'est-à-dire les 4 unités surérogatoires, avant la prière obligatoire du dhuhr. Il les rattrapa alors après celle-ci. Et ceci nous prouve que si tu avais une excuse qui fait que tu as manqué les 4 unités surérogatoires avant la prière du dhuhr, il t'est alors permis de les rattraper après le dhuhr. Après le dhuhr, tu accompliras d'abord les prières surérogatoires qui suivent la prière du dhuhr, puis ensuite tu peux rattraper les 4 unités qui normalement la précèdent. Donc j'espère que tout ceci est bien clair et c'est pour cela que je vous ai dit de bien tout noter, afin de ne pas vous mélanger entre ces différentes prières. Ensuite, après le dhuhr, on a dit que tu accomplis 2 unités de prière qui font partie des rawatib. Et après celle-ci, après ces deux, il t'est légiféré, si tu le souhaites, de rajouter encore 2 unités de prière. Ce qui fera donc un total de 4 unités que tu accomplis après le dhuhr. Et ce, d'après le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, rahimahumallahu ta'ala, d'après Habiba, radiyallahu ta'ala anha, épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit avec assiduité 4 unités avant la prière du dhuhr et 4 unités après celle-ci, après la prière du dhuhr, Allah lui interdira l'enfer. Allah lui interdira l'enfer. C'est-à-dire que ses prières, ces 4 unités avant le dhuhr et ces 4 unités après le dhuhr, elles seront une cause pour le préserver du feu de l'enfer. Tu vois donc qu'il y a dans celle-ci un mérite immense que tu ne dois pas négliger. Ensuite, vient le temps de la prière d'Al-Asr. On a dit que il n'y a pas de ratiba liée à la prière d'Al-Asr. Naam, les rawatib, il y en a seulement au fajr, au dhuhr, au maghrib et au isha. Toutefois, si tu le souhaites, il est légiféré pour toi d'accomplir 4 unités avant la prière d'Al-Asr, c'est-à-dire après l'adhan et avant de prier la prière obligatoire. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, comme le rapporte Abu Daoud et Tirmidhi, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui prie 4 unités avant l'Asr. Donc si tu fais ces 4 unités avant l'Asr, tu bénéficieras de cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui invoque pour celui qui accomplit cette prière, la miséricorde. Ensuite vient la prière du Maghreb. Et la prière du Maghreb, on a dit que la ratiba qui est liée à celle-ci, elle a lieu après. Après la prière du Maghreb, il est légiféré pour toi de prier 2 unités surérogatoires, qui font partie des rawatib, des 12 unités qui te permettent d'obtenir une maison au paradis. Et dans cette prière, la sunna est de réciter après sourate al-Fatiha, dans la première unité, sourate al-Kafirun, et dans la deuxième unité, sourate al-Ikhlas, comme pour les 2 unités qui précèdent le fajr. Et cela est recommandé, ce n'est pas une obligation. Si tu récites d'autres sourates, cela est permis, il n'y a pas de gêne en cela. Mais la sunna est ce qu'il y a de mieux, et de réciter cela comme cela est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et est-il permis de prier avant la prière du Maghreb? On a dit avant l'entrée du temps de la prière du Maghreb, cela n'est pas permis, car cela fait partie des temps interdits. Mais une fois qu'il y a eu l'adhan, une fois que le temps est entré, est-ce qu'il est légiféré de prier à ce moment-là? La réponse est oui. Tout d'abord, de manière générale, il est légiféré pour celui qui le souhaite d'accomplir 2 unités de prière entre toute adhan et iqama. Entre l'appel à la prière et l'iqama, il est légiféré de faire deux unités de prière de manière générale, et plus particulièrement pour la prière du maghrib. Et ce car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Mughaffal, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez avant le maghrib, priez avant le maghrib, priez avant le maghrib, puis il rajouta la troisième fois, pour celui qui le veut. Et ceci désigne, comme on a dit, les deux unités qui sont accomplies une fois le temps du maghrib entré. Entre l'adhan et l'iqama, entre le grand et le petit appel à la prière. Ensuite, vient le temps de la prière d'Al-Isha. Et la prière d'Al-Isha, comme on a dit, elle est suivie d'une ratiba, de deux unités de prière qui font partie des 12 qui te permettent d'obtenir une maison au paradis. Et celles-ci, donc, elles sont accomplies après la prière d'Al-Isha. Et elles sont indépendantes de la prière de nuit. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées aux 11 unités de prière que tu peux faire la nuit. Elles sont indépendantes. Elles ne sont pas liées au witr, mais elles sont liées à la prière d'Al-Isha. Donc une fois que tu as prié la prière d'Al-Isha, il est légiféré pour toi de faire ces deux unités qui font partie des rawatib. Et après cela, si tu le veux, tu peux commencer la prière de nuit ou accomplir le witr selon les manières que l'on a mentionnées précédemment. Donc ceci était quelques questions liées à ces prières surrogatoires, ces prières qui sont recommandées et qui comportent, comme vous l'avez vu, de nombreux mérites. Et je rajouterai ici deux points liés à ces prières surrogatoires pour terminer. Le premier point est que la sunna est d'accomplir pour l'homme ses prières à la maison, si cela est possible. C'est-à-dire que lorsque tu te rends à la mosquée pour accomplir le maghrib, par exemple, alors le mieux pour toi est d'accomplir la ratiba du maghrib, les deux unités, une fois que tu es rentré chez toi. Il en est de même pour la ratiba qui suit la isha, ainsi que pour la prière du witr. Le mieux est d'accomplir ces prières lorsque tu es chez toi. Et ce d'après la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu, « Ô vous les gens, priez dans vos maisons, car la meilleure prière de l'homme est celle qu'il accomplit chez lui, sauf la prière obligatoire. » La prière obligatoire pour l'homme, elle est accomplie en groupe dans les mosquées. Mais en dehors de cela, la meilleure prière que tu vas accomplir, c'est celle que tu accomplis chez toi. Et ce car ceci est plus à même d'être sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsque tu pries à l'abri des regards. De même, cela te permet de ne pas faire de ta maison un cimetière ou un tombeau. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, réservez une partie de vos prières dans vos demeures pour ne pas en faire des tombeaux. En effet, il y a certains hommes qui ne prient jamais chez eux. Ils prient toujours à la mosquée. Et ceci est un grand bien en ce qui concerne les prières obligatoires. Toutefois, en ce qui concerne les prières surrogatoires, il te convient de réserver une partie de ces prières que tu accompliras dans ton foyer. Toutefois, si tu sais que, en retardant la prière surrogatoire, par exemple la prière qui suit le maghrib, tu fais le maghrib à la mosquée. Et tu sais que si tu attends de rentrer chez toi pour accomplir les deux unités surrogatoires, alors tu risques de les manquer. Il se peut que sur la route, tu sois pris par une occupation, ou alors en entrant chez toi, il se peut que certaines choses t'empêchent d'accomplir cette prière. Alors dans ce cas-là, il est préférable pour toi de les accomplir à la mosquée. Ceci est une exception à la règle générale. Le deuxième point sur lequel je souhaite attirer votre attention concernant ces prières surrogatoires est qu'il convient de ne pas les faire précéder aux formules de rappel qui sont légiférées après la prière. Je parle ici des prières surrogatoires qui suivent les prières obligatoires. En effet, il y a certaines personnes, après le maghreb, ou après le dhuhr, ou après les isha, qui, une fois qu'ils ont salué, ils s'empressent de se lever et d'accomplir les rawatib. Et ceci est contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce que tu dois faire, tout d'abord, c'est de prononcer les formules de rappel qui sont légiférées après la prière. Commençant par implorer le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à trois reprises, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarak ta ya dhal jalali wal ikram. Également, tu récites ayat al-kursi, qui a un mérite immense après la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui récite ayat al-kursi après chaque prière, c'est-à-dire après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est quoi? Si ce n'est la mort. Donc tu ne dois pas négliger la récitation d'ayat al-kursi après chaque prière obligatoire. Également, tu récites les trois dernières sourates. Également, tu fais le tasbih 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, puis tu termines par la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. et ainsi de suite parmi les formules de rappel qui sont légiférées après les prières obligatoires. Tu commences donc par cela, et après, tu accomplis ta prière surérogatoire. Enfin, pour conclure, j'aimerais vous rappeler que toutes ces prières que l'on a mentionnées, elles sont recommandées. Il convient à la personne d'accomplir parmi ses prières ce qui lui est possible selon ses capacités, en commençant par privilégier les plus importantes parmi elles qui sont, comme on a dit, la prière de nuit, Salat al-Witr notamment, puis ensuite ces 12 unités, les rawatib qui te permettent d'obtenir une maison au paradis. Et j'aimerais vous rappeler une parole de Salama, radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que l'œuvre la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'œuvre pieuse sur laquelle le serviteur est constant, aussi minime soit-elle. L'œuvre pieuse, c'est-à-dire que toutes ces prières que l'on a mentionnées, tu te dois de les accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'éloignes de toute forme d'ostentation et tu t'éloignes de toute innovation dans ces prières. Et tu es constant dans ce que tu fais, aussi minime soit-elle. Ceci était l'œuvre que préférait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'œuvre qui est constante. Donc maintenant que tu as pris connaissance de ces différentes prières, ne t'impose pas du jour au lendemain de toutes les accomplir. Sauf si tu en es capable. Allahumma barik, si tu arrives à accomplir toutes ces prières, ceci est un grand bien. Mais je crains que si tu ne les accomplissais pas et que tu te mets à toutes les accomplir du jour au lendemain, que tu lâches rapidement prise. Donc, ce que je me conseille à moi-même ainsi qu'à l'ensemble de mes frères et sœurs, c'est d'avancer par étapes. Choisis parmi ces prières celles qui sont les plus méritoires. Et sois assidu à celles-ci. Sois assidu au rawatib, les 12 unités qui te permettent d'obtenir une maison au paradis. Sois assidu également à la prière du witr. Et sois constant dans cela. Et si parfois tu arrives à rajouter à cela, à faire 2 et 2 avant la prière de l'asr, comme on a vu pour bénéficier de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui accomplit 4 unités avant la prière de l'asr. Si tu arrives à faire 2 unités entre l'adhan et l'iqama, et ainsi de suite parmi les prières qui sont recommandées. Si tu arrives à faire salat al-duha, alors ceci est un bien que tu ajoutes à ce bien. Mais commence d'abord par être assidu à une chose, afin de ne pas la délaisser. Ceci est meilleur que de faire pendant quelques jours beaucoup de prières puis de tout délaisser. Mieux vaut que tu choisisses parmi ces prières ce qu'il y a de plus méritoire et que tu y sois assidu constamment sans ne jamais les délaisser. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à être assidus et à faire un maximum de ces prières qui sont recommandées. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.